Il transforme. Uh-huh. Il transforme. Quand on dit de Dieu, on dit qu'il a dit ceci, mmh. il a dit ceci, Dieu mmh. a dit ceci. Mmh. Mais on dit qu'il n'a dit, pourtant on ne le voit pas. On le voit c'est, pas c'est pour dire seulement que c'est un être animé mmh. qui parle. Mmh. Parce que l'esprit parle, Dieu mmh. parle, on entend. Mmh. Dieu écoute, Dieu voit. Mmh. Mais pourtant on n'a pas la forme de Dieu pour savoir quand quel est son œil, mmh. mais c'est l'esprit quand même. Mmh. Donc on dit il là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un être humain. Mmh. Parce qu'on peut dire il a un esprit. Mmh. Satan, c'est Ibis, Ibis aussi parle. Mmh. Mais pourtant on ne le voit pas physiquement. Donc ça veut dire qu'il entend aussi mmh. et il marche parce qu'il dit qu'il va aller à tel endroit. Propre. Donc ça veut pas dire que comme on a dit il l'a forcément, il faut qu'il ait une forme. Mmh. Parce que l'esprit prend n'importe quelle forme. Mmh. Il y a des anges qui ont des ailes. Mmh. Mais quand il vient, il peut venir sur la terre, il est exactement comme ça sans les ailes. Propre. On est d'accord. Mmh. Donc quand il avait dit que le consolateur, mmh. il dit que un consolateur en grec c'est parakletos. Mmh. Qui veut dire, bon, ça veut dire en grec le mot là-bas c'est parakletos, qui veut dire consolateur, avocat, mmh. défenseur. Mmh. Tu vois un peu non? Mais il a dit qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà pourquoi quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Regarde, au verset 37, il dit, verset 37, c'est Pierre dit ceci, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous, un, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mm-hmm. Il dit, car la promesse est pour vous, mm-hmm. pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, mm-hmm. tous ceux qui sont mm-hmm. au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mm-hmm. C'est pour dire que mm-hmm. le salut n'est pas seulement pour les Juifs. Il dit que, repentez-vous, vous qui êtes devant moi, repentez-vous. Soyez baptisés, mmh. vous allez recevoir le même don. Mmh. Le même don qui est tombé sur eux, qu'ils ont parlé à d'autres langues là-bas. C'est cette puissance-là que Jésus avait dit qu'il va venir en eux et qu'il va demeurer éternellement. Mmh. Et on a, cet esprit est venu maintenant. C'est toujours là. Voilà pourquoi il dit regarde, tout à l'heure, un truc que nous avons tous comment, été. Comment, vous avez, comment toi tu as constaté que l'esprit là est là? Ah, merci beaucoup. Mmh. Quand tu crois en Jésus-Christ, mmh. le premier acte, il a dit première chose, repentez-vous. Quand tu écoutes l'évangile, si tu te repens, quand tu ne peux pas avoir accès à ça, à moins que tu ne crois, parce que l'ordre c'est ceci. Un, repentez-vous et que chacun soit baptisé. Quand tu te baptises, alors le Saint-Esprit vient automatiquement. Mmh. Quand ça vient, le signe, tu connais, ça circoncit ton cœur, ça te fait aimer maintenant davantage Dieu, la lecture, et tu as une communion avec Dieu. Mmh. Maintenant, tu commences à entendre la voix de Dieu. Mmh. Il te dirige maintenant ses affaires. Et comme tu me poses la question, tu pries comment avec Dieu? Tu commences à entendre la prière en esprit et en vérité. Jésus avait dit, il faut qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu as seulement fait les formes externes. Donc, pour qu'on puisse adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut que le Saint-Esprit vienne là-bas. Parce que la Bible déclare que nous ne pouvons pas prier comme il convient. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut demander à Dieu. Mais l'Esprit-là vient soutenir notre faiblesse. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'attendez d'abord jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et ils ont attendu le Saint-Esprit là. Le même Pierre là, le disciple a dit que ce n'est pas seulement pour eux. Il dit la promesse est pour vous aussi, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu ne les appellera. Mmh. C'est eux qui étaient devant le trône que tu as vu là. On a dit tous les peuples. Mmh. Donc même toi, si tu crois là, tu es baptisé là-bas, tu vas parler en langue, mmh. tu vas prophétiser, tu pourras mettre la main sur quelqu'un, prier au nom de Jésus. Comme tu as cité un verset ici, que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Mmh. Tu pourras mettre les mains sur le malade, ils sont guéris. Mmh. Voilà pourquoi les gens viennent souvent, ils sont guéris. Les gens viennent là-bas, on prie. Les maladies sont sortent de leur corps. Et ces gens-là sont des disciples de Jésus. Hein. Qui ça? Ces gens qui font ça. Ce n'est pas tout le monde qui est disciple de Jésus. Parce que même Satan. Parce que tu as dit que les gens qui le font, parce que s'ils croient en Jésus, l'Esprit va venir, il va leur donner le pouvoir. Il dit tous ceux. Donc maintenant, ceux qui le font, parce que Jésus a dit que méfiez-vous des faux Christ et des faux prophètes. Uh-huh. Non, plusieurs vont venir de miracles. C'est exactement ce qu'il veut dire. Non, je ne sais pas. Je le crois. Non. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui font ça, que c'est faux. Mm-hmm. Tu ne peux pas savoir si c'est vrai, c'est faux, tant que tu ne connais pas la parole de Dieu. Mm-hmm. Parce que, regarde, il y a un marabout. Quand il passe chez les marabouts, il y a un marabout qui guérit des gens. Mais les marabouts sont interdits par la parole de Dieu. La Bible interdit les marabouts. Même dans le Coran. Mais c'est Satan qui passe, il ne savait pas le pouvoir de Satan, parce que Satan fait tout pour imiter Dieu. Mmh. Tu comprends un peu, non? Mais si on le dit ceci, les disciples de Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir, et ce pouvoir-là, quand il dit que vous mettez les mains sur les malades, les malades seront guéris. Quand il envoie les disciples, il a dit, allez, chassez les démons, guérissez les malades. Tu vois, non? Je veux dire ceci, si tu veux expérimenter ça, si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la même chose. Mmh. Quand je crois, avant ça, je n'étais pas chrétien. Ok, maintenant là, exemple, les gens qui ont cru en Jésus, oui, ont toujours le pouvoir de faire. Exactement, ça, nous, ça, jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Ok, nous les musulmans ou bien les autres qui n'ont jamais cru en Jésus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous vous avez plus que nous, ou bien qu'est-ce que vous avez d'être extraordinaire que nous n'avons pas? Merci. Que nous tombons malades, vous ne tombez pas malade? Non, c'est pas ça, c'est pas. L'autre là, c'est pour pied d'égalité, c'est ça. Oui, c'est le plan humain. Ce qui peut t'arriver peut m'arriver sur le plan humain. Mm-hmm. Voici la première chose, l'une des choses qui est aussi au-dessus. Mm-hmm. C'est que maintenant, si je meurs, comme tout le monde meurt maintenant, j'ai l'assurance totalement que j'ai la vie éternelle. Toi, tu n'as pas cette assurance. Mm-hmm. Parce que maintenant. Moi, je n'ai pas. Oh, maintenant, regarde, n'est-ce pas? Tu n'as pas parce que tu ne connais, tu ne peux pas l'avoir. Mm-hmm. Si tu veux, tu peux l'avoir. Mm-hmm. Il faut seulement que tu aies la connaissance de qui est Jésus.

Tu me dis que c'est pas un musulman, n'est-ce pas? Justement. Uh-huh. Le musulman qui a fait là, qu'est-ce qu'il a subi après ça? Les musulmans uh-huh. l'ont fait quoi? Qui? Cet musulman qui a fait ça. Qui a je te jure. Il dit pour Jésus, il dit pas celui qui a fait le Mohamed. Parce que regarde. Parce qu'on a dit c'est le Coran. Nous les musulmans, nous ne blasphèmes pas au nom de prophète, qui que ce soit. Oui. Que ce soit Jésus ou qui ce soit. Bon, la personne qui a blasphémé. Quand on dessine Mohamed, c'est un blasphème. Quand on dessine le Coran. Tu as déjà vu un jour, on a dessiné Mohamed. Dans ce cas, regarde comment on a dessiné les photos. Je dis que c'est Jésus-Christ. Les chrétiens, les photos. Justement, c'est un blasphème ça. On ne croit pas de parce que personne n'a jamais. Pourquoi donc quand on fait ça sur Jésus, vous ne pouvez pas défendre Jésus? On ne défend pas Jésus parce que c'est votre truc, c'est pour vous. Non, Jésus, c'est pour nous. C'est pour lui. Mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez choisi Jésus, non? Uh-huh. Vous avez choisi. On défend Jésus. Uh-huh. Mais maintenant là, uh-huh. le prophète est venu pour Jésus. Parce que Jésus est là. On uh-huh. a acheté Jésus, on est venu pour le Mohamed. N'est-ce pas? Uh-huh. Jésus est le. Il est passé. Uh-huh. Il est passé. Oui. Les gens le moquent de lui, tout ça, c'est les chrétiens le disent. C'est leur problème. Uh-huh. Hein? Parce que vous-même, vous n'aimez pas voter. Si vous aimez franchement, comment est-ce que quelqu'un vient te suivre, peut-être même dans ton église, au sujet, on monte par là, Jésus fait le rapport les sexuel, machin, que vous ne dites rien. Regarde, parce que c'est que nous faisons. Parce que l'islam a dit. L'islam a dit, ne laissez pas un seul instant que quelqu'un se moque de la religion. Mmh. Battez-vous, mmh. je te jure au nom de si mmh. les musulmans ne battaient pas depuis la création du monde, l'islam n'existait pas aussi. Ok, Omar, je te pose une question. Tu as vu, non? L'islam, quand quelqu'un fait quelque chose, il t'avait dit la dernière fois que quand vous voyez, parce que tu avais dit que Baran Bar Omar, ils sont les chrétiens parce qu'ils ne sont pas musulmans. Il t'a dit que quand quelqu'un n'est pas musulman, ne pense pas automatiquement qu'ils sont les chrétiens. Mmh. Parce que tu penses par exemple qu'ils se parlent ici au Cameroun. Tu vois, par exemple, le Cameroun divisé en deux, il y a les musulmans, mmh. il y a les chrétiens. Mmh. C'est pas tout le monde qui est chrétien. Mmh. Là, par exemple, sa mère. Là, c'est pour ses frères, son grand frère n'est même pas chrétien. Mm-hmm. Parce que quand il vient prier, si le gars dit qu'il ne veut pas que tu parles à voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas? Nous, on nous a dit que toute personne qui n'est pas musulman, qui ne suit pas comme les musulmans, sont des chrétiens. Donc, il faut le combattre. Non, pas le combattre. J'ai dit, sont des chrétiens. Parce que tu as dit un exemple. Par exemple, le monsieur ne va jamais à l'église. Hein? Le monsieur, celui qui a couru, si tu veux, tu pars à l'église. Si tu veux, tu ne vas pas. Il fait ça. Vous allez attaquer les églises, vous brûlez les églises. Si tu ne vas pas. Non. C'est-à-dire que c'est le juif qui attaque toujours le musulman. Qui crée les bombes, qui crée le truc, c'est le musulman. Alors, quand les armes. Exemple, j'ai dit, les armes, machin, donne-moi un pays arabe qui produit les armes. Ah, mais lui, il a déjà dit là-bas en Iran qui a les armes nucléaires. C'est les juifs qui ont créé ça. Il a acheté, donc il a eu ça où là. Mais il a l'uranium là-bas, il y a la paix là-bas. C'est lui qui a les penseurs. Il est venu des États-Unis. Et les États-Unis sont les juifs. Les États-Unis sont les juifs. Ce sont les chrétiens. Barack Obama. Son père est de l'Éthiopie, il est musulman. Mais il ne pratique pas l'islam. Ah. Mais il est quoi? Il n'est pas musulman. Il est quoi donc? Tu as déjà vu un jour, on a monté Barack Obama à la mosquée. Regarde, en train de prier. J'ai la photo de Barack Obama dans la mosquée. J'ai la photo. Attends, en train différent de prier. C'est pour ça que ok, dans ce cas, quand tu as vu Barack Obama dans l'église, est-ce que comme il est arrivé dans l'église, est-ce que tu dis qu'il est chrétien? Je te dis que toute personne qui ne prie pas comme nous sommes les chrétiens. Point. C'est ce que pourquoi tu dis que c'est le chrétien alors que la Bible c'est pas ça les chrétiens. Uh-huh. Ça veut dire que tu vas aller là-bas, okay. On va dire okay. Mon frère comme ça, okay. On va dire que les chrétiens ont fait comme ça alors qu'il n'est même pas chrétien. Ok. Alors que le Jésus a dit que si on te frappe à la joue gauche, tu donnes la joue. L'autre joue. Si tu veux pratiquer la religion, mais attends, donne-moi un chrétien en nom de Dieu. Qu'on est venu l'attaquer sans que tu fasses aller agir. Ok. Il commence dans la Bible. J'ai dit à ce monde de maintenant, parce que le temps de Jésus, les gens la croient exactement. J'ai dit, je parle de maintenant. De maintenant. À ce monde là, ce que nous vivons. Donne-moi. Si il prend maintenant, il prend un exemple par exemple du côté des Nigériens toujours. Oui. Je prends le Nigeria. Oui. Quand j'étais au Nigeria, je parle maintenant parce que j'ai vu. Oui. Au Nigeria, avant, quand je quitte Lagos, Abuja pour Lagos, on passe dans un état qu'on appelle Kogi State. Oui. Kogi State, c'est un peu approche des Jos. Mm-hmm. Là-bas, il y a les musulmans et les chrétiens. Mm-hmm. Toutes les maisons qu'on a brûlées là-bas, que les musulmans ont brûlées là-bas, les chrétiens n'ont pas réagi. Mm-hmm. Parce que la Bible déclare que si on vous juge, comme tu as cité là, mm-hmm. quand on fait telle chose, ne résistez pas. Mm-hmm. Si tu vois un chrétien, on dit que, par exemple, si on brûle, les musulmans brûlent une église ici, mm-hmm. les chrétiens se réunissent pour aller brûler la mosquée. Mm-hmm. Ce ne sont pas les chrétiens. Mm-hmm. Parce que les vrais chrétiens, une fois de plus, il y a un problème. Mm-hmm. Les vrais chrétiens ne réagissent pas. Mm-hmm. Quand on va les frapper, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Le vrai musulman aussi ne brûle pas les paroles. On est d'accord. Uh-huh. Donc les vrais n'agissent pas. Même quand les attaquent. Mais le vrai aussi. Doit attaquer si on attaque. Donc la ripostation c'est interdit donc. Donc pour riposter, c'est-à-dire pour se défendre. C'est ça la Bible qui déclare. La défense de Dieu. Ok. Pourquoi lorsqu'on a giflé Jésus, il n'a pas attendu l'autre Jésus. Mais est-ce qu'il a caché l'autre Jésus? La main était cachée. Il a juste dit que, n'est-ce pas? Comme il a donné la plaque, bam! Il a dit que ouais, juif est encore là parce que c'est le son là. Mais on a.

Quand on dit croire en Jésus, il faut qu'on vous explique encore la terminologie. Attends, ce n'est pas que je connais que Jésus est prophète, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tu l'acceptes qu'il est le péché. Attends, qui a payé ton prix, le prix de tes péchés. Je dis, toi, je vais te prendre, je vais te mélanger, par exemple, aux hommes et les personnes qui disent que moi je suis prophète, les gens le croient, n'est-ce pas? Donc, il a pris les gens, ils les ont mis dans une boîte. Qui? Les gens qui disent que moi je suis prophète. Ok, non, je comprends ce que tu veux dire. Tu as pris maintenant les gens là, tu les as mis dans la boîte, tu les as fermés. Avec quoi? Je vais aller au paradis. Avec quoi? Ok, regarde. Toi, la chose que venait dire, c'est là que la Bible était falsifiée. Parce que les gens t'ont dit aussi, là-bas, on a mis dans une boîte. Tu marches, tu dis que la Bible est falsifiée, alors que tu n'as pas vérifié. Tu as vu ça? Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas? Tu as mis les gens dans la boîte, tu l'as fermé. Ok, va raconter ça avec l'assurance. Attends, elle dit qu'elle a l'assurance. Ok, toute personne a l'assurance. Si tu es ici, non? Si tu es ici. Et Jésus dit que je ne juge pas. Si c'est moi qui fais le jugement. Bravo. Parce que ceux-ci sont ici, n'est-ce pas? Rencontre n'importe quel chrétien, pose seulement la question, n'est-ce pas? Est-ce que tu es là où tu es dans la suite, tu meurs pas, non pas? N'importe quel chrétien, n'importe quel chrétien, tu me donnes la réponse. Tous les chrétiens savent ça. Tous les chrétiens. Donc voilà la seule chose. J'espère que le gouvernement est bien. Non, c'est bon, mais je suis content. Une chose, parce qu'il n'a pas parlé. Dans la prochaine émission, je dis, n'est-ce pas, ne t'inquiète pas. Ce que tu as vraiment besoin, on le fasse là. Oui, tu vas venir. On le fera, Inch'Allah. Voilà. Si tu me montres dans le Coran que la Bible était falsifiée, je déchire la Bible. Voilà. Si tu ne montres pas, tu me baptises même là. Actuellement. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de Bibles, il y a eu les témoins de Jéhovah, il y a eu beaucoup de différents trucs qui disent. Ça embrouille, fatigué. Il me dit que dans le pays. Non, c'est comme ça que Jésus. Jésus là pour eux, c'est une aide musulmane, tu ne choisis pas. Voilà, c'est pas différent. Et comme mon mari a dit là, et quelqu'un change de tout. Allez, on te l'applique très vite. Non, on va voir que. Quand le musulman me dit que tu rêves trop, comme il est là, quand tu comprends maintenant pourquoi il y a l'autre. C'est là qu'il fait les choses en cachette, mais il voit dans les rêves. Et le démon me dit que c'est comme ça. Quand même, tu rêves trop. Les rêves qui me regardent, ils me regardent d'une autre façon. Parce que non, j'ai un jour rêvé qu'il regardait une mamie. La mamie brillait. Ça frappait les yeux. Lui, c'est comme ça que tu rêves comme ça. Il me dit qu'on. T'as fait une interview. Elle vient chez vous de me. Je te dis. Et j'ai un rêvé qui m'a fouetté au cou. Donc, quand le jour que on m'a donné le CD. T'as comment, ma mère? Donc c'est comme ça, bref, la famille qu'on jette comme ça là, depuis 2 semaines. Ah ok, après la compo alors, tu comprends. Maman. On voit que fois tout le monde. Hein? Donc je suis dans le fait là, les trucs cachés. Alors il veut plus donc, peut-être qu'il fait se prier, c'est même pas quoi. Mais c'est marrant comment il voit ça. Comme il pratique. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni au jour dernier. Maman, celui-là, même s'il y a quelqu'un, il dit absolument, il laisse pas ton parler. Il y a plus grave. Et si l'un des associateurs, les chrétiens, te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Mais fais-le. Non, c'est simple. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs des chrétiens. Où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toutes les embuscades. Si ensuite ils se repentent, accomplissez la salade et acquittent la zakat. Alors, laissez-leur la voie libre. Ah, je comprends. Et Vanessa, elle a dit qu'on t'a mis dans le On va me dire à bout de temps, c'est pour ça qu'il dit la même chose.